Une heure de mix 100% rail. Rail suprême. C'est seulement sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Rail suprême avec DJ Case. Comme chaque dimanche soir. Comment ça va? Les dimanches, ça va. Comme les toujours. Eh oui, oui. Est-ce que tu es prêt à nous ambiancer pendant une bonne heure? Eh ouais, pendant une très bonne heure, ouais. Bonne heure de mix, de rail. On va vous faire voyager en première classe au Maghreb. Très bien, bah on prend la première classe, même la classe business. Voilà, il y aura des nouveautés, il y a un petit peu de tout. Donc restez à l'écoute et vous allez découvrir les fraîcheurs de l'Orient. Et bah c'est parti, coup d'envoi de ce rail suprême. DJ Case au contrôle, comme chaque dimanche soir, on est parti pour une heure de rail suprême. Go. Allez, go. Skyrock, rail suprême. DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case, DJ Case. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. DJ Case. DJ Case. Supreme Skyrock. J'adore les paroles de ça là.

frérot, prépare la chauffe. Des gamelles terre, top chef, big frappe de 30 mètres comme Yaya Touré. J'arrive toujours à l'heure où les gens sont bourrés, vitres et lunettes fumées. Au feu rouge, je donne toujours une petite pièce sur une plage. En Espagne, je fais la sieste. On fracture les portes en parlant code. Parlons euro, parlons business, parlons tout. J'nouais, t'as vu le talent, j'viens de là où ça parle galage. Perdu, j'suis en décalage, fini riche dans un palace. Rime, gadoul, t'entends le son, t'es j'nouné. Comme ce mec qui rote, sans cagoule pour fumer. Olé, man, j'suis avec ma team sur Pana. J'vis, j'vois, j'ai mal pour oublier, j'fume le gars. DJ Guys, à toi, t'as la tête même côté. Tu veux te faire une place, mais c'est pas de boycotter. Baby, habibi, j'ai les idées en place, parfois je dérape. Trop de changements d'humeur dans mes attitudes. J'suis sur les nerfs, c'est dans mes habitudes. J'irai bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit en jaille. Et toi, j'suis perturbée, j'm'évade dans mes pensées. J'suis trop préoccupée, j'suis comme ça. L'Algérino, Djel El Hamdaoui, Maroc, Algérie, connexion internationale, Fihater Nes, Tunis, Kir. Big Mac, Hlel, Bibi, Beat, Bass, Cross, Caisse pour les rageurs. L'Algi, Djellel, Hamdaoui. Technique au micro comme on irait Hamdaoui. Bouge tes fesses, fesses, ça vient de Meknes, de fesses, fesses. Wesh, wesh, Panamera, à Marrakech, cash. C'est pas la hache, on est VIP. Même rien dans les poches, nous est PGG. Ça flop au Sadi, à la Mamounia. Je joue mon tapis, tu joues des Pumas. Les frères en cavale, Roya, c'est hardcore. Arrivé à la douane, 20 euros dans le passeport. Winner, winner, winner. Cristal, cocktail au théâtre, tapis rouge quand je débarque en Algérie. Escorte militaire, faites place, le Chaoui est de sortie. On a les clés de l'aéroport de Bretnage, bronze Alger. Deux jours après, je taille à Casa Rouya. Ça déchire d'être à Albi, la fierté dans le sang, c'est le Maghreb uni. Je suis avec Mourad, Mourad, Chrysler. Y'a des vaillants, vaillants, Jigger, Jigger, le Maghreb, Maghreb. Et toute sa ferveur, et que les touristes touchent pas à nos sorts. Bonsoir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême. Direct sur Skyrock. C'est Rail Suprême le dimanche soir avec DJ Case dans l'émission. Avec nous, une bonne demi-heure de mix déjà avant de repartir dans un instant, Case. Eh oui. Qu'est-ce que. Où est-ce qu'on va te retrouver cette semaine? Parce que je sais que toi, tu voyages tout le temps. Bah, tout le temps. À droite, tout le à gauche. Tout le temps. Déjà, ce soir, on me retrouve après l'émission donc à Pavillon-sous-Bois. C'est au Pure Club que ça se passe. Mm-hmm. Donc, juste après l'émission, je trace là-bas pour vous ambiancer les Parisiens. Donc, Rail Suprême continue à Pavillon. C'est ça. Donc, première mi-temps ici, deuxième mi-temps là-bas. Au Pavillon d'ailleurs. Au Pavillon-sous-Bois. Ouais. Samedi prochain, je suis à Bourges. Et le samedi 4 octobre, dans le 95, à la Joya. Le 11 à Arles, ça s'appelle le Palm Beach. Et puis ensuite, je dirai toutes les dates. Au fur et à mesure. Voilà. Pour retrouver DJ Case. Et puis en attendant, on te retrouve toujours aussi dans les bacs. Bien sûr, ça marche toujours fort. Nous, sur Skyrock, on tourne le genouné désormais. Genouné, ouais. Justement, qu'on vient de mettre. Et oui, ça cartonne. Donc on est très content. Ça a été bien accueilli. On a de super bons retours. Et ça continue. Donc découvrez, pour ceux qui l'ont toujours pas, Paris or New York, l'album, c'est dans les bacs. C'est seulement à 6,99€ sur iTunes. Voilà, et on met des sons sur les playlists de Rail Suprême qui sont sur cet album, donc n'hésitez pas. Allez, on est reparti, Rail Suprême avec DJ Case au contrôle. Dans un instant, c'est le retour. Salut la famille.

فرجوك عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفرق صعيب والربطة صغب هيا ليالي يالي بويا واش كلي بلاد ويلي ويلي وعرجوك عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفرق صعيب والربطة صغب هيا Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Entendre hesse.

Amen.

swagga, swagga. Swagga, swagga, swagga. Yeah. Mon garçon, on ne devient pas congolais comme ça du jour au lendemain. Il faut patienter dans les habits, il faut s'habiller. On a porté des Franco Ferré, des Jean-Marie Weston, des Issemiak et Kenzo, Giorgio Armani. On ne devient pas congolais ou ivoirien du jour au lendemain comme ça. Il faut patienter dans les vêtements. On a porté des habits. On a porté des habits chaque jour que Dieu a fait. On a porté des habits. On ne devient pas congolais comme ça du jour au lendemain. C'était une question de distinction. Ash, Dream, Mugiwarano, Gotham City. Gotham City. T'es pépé, t'es pas prêt. Gotham City. Et c'est déjà la fin de ce Rail Suprême, Kaze. Comme tu mixes vite, j'ai l'impression qu'une heure, ça fait 10 minutes avec toi. Eh ouais. On a enchaîné, les sessions sont plus longues, donc à la demande de nos auditeurs. Et ben, on te laisse partir direction, bah, pas très loin de la radio, au pavillon sous-bois, pour ambiancer une grosse soirée. C'est ça. Et on n'oublie pas aussi les réseaux sociaux. Donc, on me retrouve sur Facebook, sur la page fan DJ espace KAYZ, sur Instagram et Twitter, DJ Kaze Paris. N'hésitez pas. On vous voit, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Merci à toi, Kaze. Rencard la semaine prochaine pour un prochain Rail Suprême. Ciao. Ciao.